Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la longue des ondes. Et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un deux heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. C'est CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie, en Ontario. Envoi le 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Commentaires, suggestions, contacts d'artistes, vous m'envoyez ça à canrockcdn@commercial.gmail.com. Allons-y pour la deuxième partie du Bloc de l'Est, avec tout simplement M. McLean qui a une nouveauté qui s'appelle McKay McKay. Donc, assez intéressant, très rythmé, bien le fun. Donc, je suis bien content d'avoir ça. Est-ce qu'il y a un album qui s'en vient? On ne sait pas. On va voir. On va mettre un homme là-dessus, à savoir s'il y a un album qui s'en vient, quand l'album sera disponible. Et par la suite, on va terminer ça, le Bloc de l'Est, avec Mélissande. J'ai été au festival Mariposa dans la région d'Aurelia cette année et j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant, l'électrotrad. Pas comme Swing, qui est un peu plus hip-hop, mais plus électronique. Mélissande, très intéressant. On va entendre sur le Rintintin et aussi l'ivrogne dégrisé. Donc, ça s'en vient dans quelques instants. Mais pour l'instant, voici McLean, McKay, McKay. Un grand parterre, un Mon père n'avait fille que moi, mon père n'avait fille que moi. Encore sur la mer, il m'envoyait Tintin sur la rue, Tintin sur la rue, sur la rue, Tintin, Tintin sur la rue, Tintin. Le marinier qui m'y menait, le marinier qui m'y menait. Il devint amoureux de moi, Tintin sur la rue, Tintin sur la rue, sur la rue, Tintin, Tintin sur la rue, Tintin. Thank you. ben enragé. Moi j'ai un petit mari qui me fait ben enragé. Quand j'arrive de l'ouvrage, je vous dis qu'il est ben pacté. Ratatoum, ratatoum, mais stop. Ta-di-di-dam, ta-di, ta-da-da-do-la, ta-da-da-di-di-dum. Ta-di, ta-da-da-do-la, ta-da-da-di-di-dum. Quand tu arrives de l'ouvrage, je vous dis qu'il est ben pacté. Quand tu arrives de l'ouvrage, je vous dis qu'il est ben pacté. J'ai pris la clé du poil et je l'ai dégrisé. Ratatoum, ratatoum, mais stop. Ta-di-di-dam, ta-di, ta-da-da-do-la, ta-da-da-di-di-dum. Ta-di, ta-da-da-do-la, ta-da-da-di-di-dum. J'ai pris la clé du poil et je l'ai dégrisé. J'ai pris la clé du poil et je l'ai dégrisé. La morale de l'histoire, c'est qu'à pas commencer. Ratatoum, ratatoum, mais stop. Ta-di-di-dam, ta-di, ta-da-da-do-la, ta-da-da-di-di-dum. Ta-di, ta-da-da-do-la, ta-da-da-di-di-dum. Comme je le disais, belle découverte que j'ai faite cette année au festival Mariposa dans la région d'Orillia, en Ontario. Mélisande qui fait des chansons traditionnelles, mais avec un emballage très électronique, assez intéressant, merci. Et il y a beaucoup de recherches au niveau des chansons, des textes de chansons. Elle fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. Et en spectacle, c'est une femme énergique. À descendre la scène, à danser avec le monde, à faire taper le monde. Donc, non, c'est une belle énergie. Elle est du Québec, je pense, un peu à l'extérieur de Montréal. Assez intéressant, merci. Allez voir ça sur l'Internet. Mélisande, très, très, très bon produit. On est rendu à l'instrumental et, autre bon produit à l'instrumental, c'est bien sûr un groupe que j'adore énormément. Un groupe de quatre virtuoses, deux guitares, un violon, une contrebasse, bien sûr, Christine Tassan et les Imposteurs. Christine Tassan et les Imposteurs qui font du jazz manouche, assez intéressant, merci. Et il y a quelques années, ils ont, ça fait déjà peut-être 2-3 ans, ils ont sorti un album qui s'appelait Entre Django et Félix. Et c'est des chansons de Django Reinhardt et de Félix Leclerc qui mettent ensemble. Et ça fait de très beaux petits bijoux. Ils étaient... ils se sont promenés pas mal un peu partout en France, en Europe, ici au Canada, surtout au Québec là, et à Acadie. On les a pas vus beaucoup en Ontario, ni dans l'Ouest, je pense. Mais quand même, ils étaient au Festival de jazz de Montréal tout récemment. Donc, c'est toujours un plaisir de jouer leur musique. Il y a des chansons, il y a des pièces instrumentales. Et là, on nous offre une version instrumentale de Nuages de Django Reinhardt et Bozo de Félix Leclerc. C'est vraiment de toute beauté. J'adore ça. Je suis fan fini de Christine Tassan et les Imposteurs. Est-ce qu'il y a un nouvel album qui s'en vient? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont venir jouer plus en Ontario et dans l'Ouest? Peut-être, on l'espère. Donc, on va écouter Nuages et Bozo. Bozo, oui, Bozo. Par la suite, c'est tout simplement Cervantes qui va nous faire Bluesy Adalucci. Assez intéressant, espèce de jazz latin, mais pas très rythmé, très planant, mais vraiment merveilleux. Donc, Bluesy Adalucci, ça s'en vient. Pour l'instant, voici Christine Tassan et les Imposteurs. Très belle pièce qui termine l'album. Nuages, Bozo.